Alors, il ne leur restera comme excuse que de dire « Par Allah notre Seigneur, nous n'étions jamais des associateurs ».